Chapitre 44e. Et vous vouliez partir ? Ce mot fut la première parole réfléchie qui s'échappa des lèvres du marquis. « Et vous me laissiez partir ? » répliqua-t-elle. Moins troublée, moins émue, il se fut demandé comment elle savait qu'il avait été averti de ce départ, préparé avec tant de précautions et si bien caché. Mais il n'était pas dans des conditions où l'esprit est en pleine possession de ses facultés, et ce ne fut au point avec son esprit qu'il entendit cette voix frémissante. Il ne comprit qu'une chose, le reproche qu'elle lui adressait d'avoir pu la laisser partir. Il ne voulut qu'une chose, se disculper. « Savais-je que vous m'aimiez ? » dit-il en baisant passionnément une natte de ses cheveux. « Et moi ? C'était précisément parce que je savais que vous m'aimiez, c'était parce que je sentais que je vous aimais moi-même, que je voulais fuir. » Confuse de cet aveu, elle se cachait la tête entre ses mains. Mais doucement, il lui écarta les doigts et plongeant les yeux dans les siens. « Et maintenant, veux-tu fuir encore ? Si je ne m'étais pas laissé prendre par la passion qui m'a si complètement envahi, que me voilà dans vos bras, j'aurais eu la force de partir le jour où je me suis aperçu que ce n'était pas seulement de l'amitié que vous me témoigniez. Mais je n'ai pas pu m'arracher à mon rêve. J'étais faible, j'ai été lâche, et voilà où j'en suis maintenant, votre maîtresse. » De nouveau, elle se cacha la tête entre les mains. Il voulut lui écarter les mains, mais elle ne céda pas. Cependant, comme il ne persistait point, elle releva tout à coup la tête et le regardant avec une expression passionnée. « Eh bien non !» s'écria-t-elle en lui jetant les bras autour du cou. « Non, jamais je ne pourrai sincèrement regretter l'heure qui vient de s'écouler. Je suis perdu. Eh bien, je suis perdu. Ma vie entière pour cette heure. Ce ne sera pas trop cher de payer toutes mes larmes, ce regard que j'ai vu se plonger en moi. Mourir maintenant ? Oh, qu'importe. J'ai aimé, j'ai été aimé. » Elle s'était exaltée en parlant et ses yeux avaient pris une expression extatique. Tout son corps était agité par un tremblement nerveux. Sa voix, par instants, s'arrêtait dans sa gorge avec des sons rauques. « Pourquoi parler de mourir ? » dit-il d'une voix douce et caressante, comme s'il s'adressait à une enfant. « Mourir quand je t'aime, quand je t'adore ? Et que voulez-vous que nous fassions ? Vous saviez bien vous-même qu'il n'y avait pas d'avenir possible pour notre amour, puisque vous ne vouliez pas vous y abandonner. Ah, maintenant, la séparation ne sera-t-elle pas mille fois plus cruelle que ne l'eût été hier ? J'aurais pensé avec vous avec le calme d'une conscience tranquille, et je n'y penserai désormais qu'avec la rage et le regret d'un cœur qui se souvient. Ah, laissez-moi vous regarder. Laissez-moi au moins emporter ces yeux qui tout à l'heure brûlaient les miens. Mais encore une fois, pourquoi parler de mort ? Pourquoi parler de séparation ? Admettez-vous donc que désormais je puisse rester dans cette maison ? Vous, le marquis de Rudemont, vous auriez cette pensée ? Vos yeux dans les miens, si vous ne parlez pas. » Il détourna les yeux. « Vous voyez bien que vous ne pouvez vous faire à cette idée. Je passerai la nuit dans cette chambre et le matin je monterai auprès de cette chaste enfant. Mes lèvres, qui auraient prononcé ces paroles d'amour, parleraient de devoirs à remplir, de morale, de pureté. Dites-moi que vous me jugez capable de remplir un pareil rôle. » Il baissa la tête. « Vous n'avez pas besoin de me le dire, » continua-t-elle. « Votre résolution de me laisser partir a d'avance répondu pour vous. Dieu merci, vous m'estimiez, et c'est ce sentiment d'estime qui vous obligeait à ne pas me retenir. L'estime que vous aviez avant, ne l'auriez-vous donc plus après ? Je vous aime. Et moi aussi je vous aime. Mais telle est la fatalité de notre situation, que c'est notre amour même qui nous sépare. Puis-je être en même temps votre maîtresse et l'institutrice de Denise, de votre fille ? » Il leva la main pour la lui poser sur les lèvres, mais elle recula la tête. Car elle est bien votre fille, n'est-ce pas ? Et ce n'est point moi, ce n'est point maintenant que vous direz qu'elle est votre pupille. Dites-le, mais dites-le donc ! Pourquoi parler de Denise ? Pourquoi ? Mais parce que si elle n'était pas votre fille, ce serait à elle de sortir d'ici et non à moi. Elle n'est pas votre fille, plus de tourments alors, plus de remords. Une étrangère, elle s'en va, et moi je reste. Votre maîtresse, je passerai aux yeux de tout le monde pour votre maîtresse, c'est bien. Je boirai cette honte. Le bonheur que j'aurai à vivre auprès de vous m'empêchera de sentir l'infamie de ma situation. Mais vous ne dites rien. Vous ne dites point qu'elle n'est point votre fille. Vous ne vous trompez pas, elle est ma fille. » Elle se tordit les mains, et pendant assez longtemps elle garda le silence. « Votre fille, » reprit-elle bientôt, « votre fille, je ne puis rien contre elle. Elle a des droits sacrés, et moi je n'ai que ceux que me donne un amour coupable. » C'est à elle de vivre près de vous, la chère enfant, c'est à moi de me retirer, elle sera bien heureuse. Nous séparer est impossible. et ce mot seul de séparation en ce moment est un crime contre notre amour. Celui de liaison en est un contre votre paternité. On ne fait pas élever sa fille par sa maîtresse, il faut que je parte. Ne pouvez-vous pas partir sans que nous soyons séparés ? Elle eut un mouvement de surprise et à la dérobée, elle le regarda, cherchant à sonder ses paroles. Partir sans être séparés, je ne comprends pas. Êtes-vous donc disposé à me suivre ? Vous feriez cela ? Nous pourrions nous voir, en tout cas. Elle laissa tomber ses mains désespérément. Quelle chute ! Dit-elle, et combien elle est dure. Mais c'est ma faute. Mais elle m'avait enlevé trop. Comprenez-moi. Je vous comprends. Je ne vous comprends que trop, hélas. Disant cela, de larmes jaillirent de ses yeux et roulèrent sur ses joues. Il voulut lui prendre les mains. Elle les retira, mais doucement, sans colère, avec une sorte de résignation. Vous n'avez pas à me consoler, dit-elle, car je sens que votre langage est celui de la raison. Mais de la passion à la raison, combien, hélas, c'est grande la distance. Pauvres femmes que nous sommes, de ne pouvoir jamais rester attachées sur la terre et de vouloir toujours nous envoler. Ainsi, j'irai vivre à Paris, n'est-ce pas ? Dans un quartier écarté, désert, où personne ne me connaîtra. Je ne sortirai pas pour qu'on ne me rencontre pas. Car de ma vie aussi, il y a une fatalité. Mon mari, hélas. Vous viendrez me voir ? Vous viendrez passer quelques jours avec l'exilé ? Mais viendrez-vous souvent ? Compterez-vous les jours, compterez-vous les heures, comme je les compterai moi-même. Pourquoi Paris ? Dit-il. Ne pourrions-nous pas, ici près, trouver une installation convenable, où vous pourriez venir quand je ne serai pas à Paris ? Ici près. Alors vous voulez donc avouer tout de suite la vérité. Si le marquis de Rudemont, connu de tout le monde dans la contrée, vient chez une femme seule, ce sera dire que cette femme est sa maîtresse. Cela sera, si vous voulez. Je vous l'ai dit, que m'importe le monde, pourvu que je ne vous perde pas. Alors, nous prendrons une maison toute petite, dans un jardin, j'y vivrai seul, avec une femme de service, et là, du matin au soir et du soir au matin, j'attendrai la venue de mon seigneur et maître. Mais viendra-t-il ? Cher ange, ta maîtresse, je serai ta maîtresse. La nuit se passa dans ces entretiens, et ce fut seulement quand l'aube, élargissant les fentes des persiennes, fit pâlir la flamme des bougies qu'il sortit de l'appartement du marquis. Il voulut la conduire jusqu'à la porte du parloir, mais elle n'accepta pas. « Tu ferais trop de bruit, » dit-elle en riant. « Les géants n'ont pas des pattes de velours. » Et comme si elle avait elle-même ses pattes de velours, elle gagna sa chambre. Mais au lieu de se mettre au lit, elle ouvrit une de ses fenêtres et elle resta à regarder le soleil levant. Alors, quand ses premiers rayons coururent sur la forêt sombre, qui sous elle s'agitait en ondes mouvantes comme une mer de verdure, elle étendit les deux mains en avant. À la voir, on nous dit qu'elle prenait possession de tout le pays, forêts, champs et prairies, que le geste de ses bras enveloppait.